Ceux qui fabriquent les briques travaillent 2 à 3 mois seulement. Leur dire de payer cette somme pour cette superficie, je pense que cette loi devrait s'appliquer à ceux qui font l'exploitation des mines, des moellons et des carrières qui travaillent tout au long de l'année. Pour les fabricants des briques, je demande qu'il y ait une interprétation différente pour faciliter leur travail. Il faut qu'on laisse leur demander cet argent, quitte à adopter un autre barème. Domitien Ndihokubwayo, ministre des Finances, invite ceux qui veulent exploiter les mines et carrières de s'adresser à l'OBM avant de payer à l'Aubert. Pour ce qui est de la taxation des fabricants des briques, le ministre rassure. Cette question trouvera bientôt une solution car elle est déjà sur la table du ministère. L'honorable Ndoumwami Renova est revenu sur l'exploitation des mines, surtout en ce qui concerne l'exploitation des pierres après avoir payé à l'EBM. C'est une question qui est connue au niveau du ministère. Il y a peut-être des problèmes causés par différentes lois. Nous sommes en train de voir comment y apporter des solutions pour que les gens puissent exercer en liberté. Cela va de pair avec la question des élèves qui, au cours des vacances, fabriquent des briques pour avoir de l'argent ou ceux qui veulent construire leur maison. C'est une question qui trouvera solution très prochainement car elle est déjà sur table au niveau du ministère. Domitien Ndihokubwayo, ministre des Finances, invite l'OBM et l'OBR de travailler de concert pour faciliter les exploitants des mines et des carrières. Dans les nouvelles des provinces, des mesures allant jusqu'à la suppression de la plage de pêche de Nyagatanga en commune Nyanzalak seront prises. La déclaration est du directeur général de l'autorité maritime portuaire et ferroviaire à Nyanzalak dans la province Makamba. Il accuse les usagers de cette plage de travailler hors la loi. Certains des pêcheurs de la place demandent de ne pas globaliser. Les détails avec Jean-Pierre Misago. Certains cas de violation grave de la loi à cette plage de Nyagatanga sont entre autres la pêche en période de pleine lune et la lutte contre les filets de pêche prohibés qui ne progressent pas à cette plage, comme l'indique Gabriel Butoyi, président de la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons au Burundi. En conséquence, Gérard Nyandoui, directeur général de l'autorité maritime, portuaire et ferroviaire et président de la commission technique de sécurisation de la navigation lacustre, a déclaré que si les usagers de cette plage de pêche ne s'amendent pas, des mesures allant jusqu'à la suppression de cette plage seront prises d'ici peu. C'est notamment la plage de pêche de Nyagatanga, c'est-à-dire que dans quelques jours, des mesures seront prises, y compris la mesure de suspension et d'interdiction de cette plage de pêche, car nous trouvons que des gens qui utilisent cette plage sont récalcitrants, continuent à commettre des forfaits. Tout en reconnaissant le non-respect du calendrier de pêche, Nsabimana Ibrahim alias Tougou, un pêcheur à cette plage, dit qu'il serait injuste de supprimer cette plage de pêche pour la simple raison qu'il y a des gens qui ne respectent pas la loi. Selon lui, il faut punir uniquement les coupables. Alors qu'il se tenait ce jeudi à Nyanzalak une rencontre pour rappeler les uns et les autres le respect de la loi en matière de pêche, une trentaine de pirogues à voile pêchaient à cette plage et en pleine lune, ce qui a révolté les participants dans cette rencontre qui se tenait à quelques centaines de mètres de cette plage de Nyagatanga. Jean-Pierre Misago depuis Nyanzalak, Radio Isanganiro. Quittons le sud du Burundi pour nous rendre un peu plus à l'est du Burundi pour parler des bateaux du village de Gwamvura en commune et province Ruigi qui demandent qu'on leur octroie des propriétés foncières puisqu'ils ne sont plus en mesure de survivre des produits de la forge et de la poterie. Le conseiller principal du gouverneur de Ruigi indique que la loi est claire au sujet de la procédure de demande et de l'octroi des propriétés foncières et fait appel à tous ceux qui en ont besoin et de s'adresser aux responsables administratifs pour qu'ils puissent leur venir en aide dans la procédure. Dieu donné à plutôt Jean-Claude Chimiliman. Béatrice Barakamfitiye, une femme potière de la communauté Vatoa avec qui nous sommes entretenus au village de Gwamvura, à la colline Kigamba, en commune et province Ruigi, dit qu'il lui faut 3 jours de collecte de matériel et faire 5 pots de capacité moyenne. Une autre activité fatigante qui suit est la recherche des clients, puisque les pots ne sont pas vendus au marché.